Bonjour tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 5 novembre. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant des Saguenay de Chicoutimi, les Saguenay qui ont remporté une belle victoire hier contre la formation de Saint-John par la marque de 6-3. À noter que Vladislav Kotkov a été le meilleur joueur des Saguenay, il a marqué 3 buts et a amassé 2 passes. Zachary Lavigne, Arménie Sigaïev ont compté chacun un but, une passe dans la rencontre. Et samedi, autre belle victoire des Sags, cette fois contre l'Armada de Belleville-Beaubriand, 3-1. Un but, deux passes pour Zachary Lavigne. Les Marquis de Jonquière de la Ligue nord-américaine étaient également en action en fin de semaine. Et les Marquis ont vaincu Saint-Jean-de-Beauce par le compte de 5-3. James Desmarais, Jean-Simon Allard et Danick Paquette ont marqué un but, une passe. Et c'était la visite de la première visite de l'équipe d'expansion Berlin. Ils ont gagné, les Marquis qui ont gagné 4-3 contre la nouvelle formation de Berlin. À noter également que Yannick Riendo a été le meilleur pour les Marquis avec une production de 2 buts, une passe. 2 victoires pour les élites de Jonquière en fin de semaine. Les élites qui ont gagné 6-1 contre le collège Albatros. Dans la rencontre, Jérémy Pelcha de Dolbeau-Mistassini a été blanchi. Et autre gain des élites, cette fois 2-1 contre les Bizarres Saint-François. Encore une fois, Jérémy Pelcha a été blanchi. Ligue senior du lac au fleuve, le multi-concessionnaire de Dolbeau-Mistassini ont gagné 12-4 contre la Haute-Côte-Nord. Ça se déroulait samedi au complexe sportif du secteur de Dolbeau. Ligue junior régionale, verdict nul de 4-4 entre les Sabres de Robertval et les Marquis de Jonquière. Le meilleur joueur de la partie pour les Sabres a été Vincent Villeneuve, qui a marqué 2 buts et amassé 2 passes. Et samedi, belle victoire des Sabres, cette fois contre les Saguenayens du Chicoutimi 6-5. Antoine Niquette a été le meilleur avec une production de 2 buts, 1 passe. Du côté des Éperviers de Normandin, ils ont gagné 5-4 contre la formation des Saguenayens de Chicoutimi vendredi soir. David Gagnon a marqué un but et a amassé une passe. Ligue Midget Régionale, les Castors de Dolbeau ont gagné 4-3 contre les Ambassadeurs de Chicoutimi. 2 passes dans la rencontre pour Jacob Bouliane. Et samedi, 2 défaites pour les Castors contre les Ambassadeurs de Chicoutimi. Et les deux matchs se sont soldés par le verdict de 4-3. Dans le premier match, Thomas Mailloux a marqué 3 buts. Maintenant, parlons du Marcos Pub de Saint-Félicien. Il joue un programme double contre les Vikings de Bécomo. Victoire du Marcos Pub 5-2. Simon Thomas était le meilleur avec une position de 1 but 2 passes. Et dans l'autre match, défaite cette fois de 4-3. Toujours contre la formation de Bécomo. Jéronique Chakaï a été le meilleur avec 2 buts. Football scolaire, c'était la présentation des programmes doubles ou encore les quarts de finale au football scolaire en division 3. Et les Genois d'Allemagne ont perdu 33-15 aux mains des Pionniers de Rimouski. Et tant qu'aux Gaillards de Jonquière, ils ont gagné facilement contre la formation de la Pocatière par la marque de 46-7. Maintenant, en fin de semaine, il y avait une compétition de patinage de vitesse sur courte piste. Ça se déroulait du côté de Sherbrooke. Ça a bien été pour les filles de Saint-Félicien, entre autres. Dans le groupe 1, Kiara Pagé a terminé au 9e rang. Adriana Senville a terminé au 14e rang. Groupe 2, maintenant, Lily Rose Tanguay de Saint-Félicien a terminé en première position. 6e place pour Oliane Dufour, toujours de Saint-Félicien. Dans le groupe 3, maintenant, notons la 7e position pour Maël Gay de Robertval. Maintenant, chez les garçons, du côté du groupe 1, notons que Simon Simard a pris le 12e rang. Et ça fait pas mal le tour du côté de la compétition de patinage de vitesse qui se déroulait à Sherbrooke. Le sport local et régional, à danadosport.com. Moi, c'est